J'étais tout entier, pour ainsi dire, à chacune de ces deux personnes, et si parfaitement qu'avec aucune des deux, il ne m'arrivait jamais de songer à l'autre. Mais du reste, rien de semblable en ce qu'elle me faisait éprouver. J'aurais passé ma vie entière avec mademoiselle de Vulson sans songer à la quitter. Mais, en l'abordant, ma joie était tranquille et n'allait pas à l'émotion. Je l'aimais surtout en grande compagnie. Les plaisanteries, les agaceries, les jalousies même, m'attachaient, m'intéressaient. Je triomphais avec orgueil de ses préférences près des grands rivaux qu'elle paraissait maltraiter. J'étais tourmenté, mais j'aimais ce tourment. Les applaudissements, les encouragements, les ris m'échauffaient, m'animaient. J'avais des emportements, des saillies. J'étais transporté d'amour dans un cercle. Tête à tête, j'aurais été contraint, froid, peut-être ennuyé. Cependant, je m'intéressais tendrement à elle. Je souffrais quand elle était malade. J'aurais donné ma santé pour établir la sienne. Et noté que je savais très bien par expérience ce que c'était que maladie et ce que c'était que santé. Absent d'elle, j'y pensais. Elle me manquait. Présent, ses caresses m'étaient douces au cœur, non au sens. J'étais impunément familier avec elle. Mon imagination ne me demandait que ce qu'elle m'accordait. Cependant, je n'aurais pu supporter de lui en voir faire autant à d'autres. Je l'aimais en frère, mais j'en étais jaloux en amant.